Chapitre 1. Patrie et naissance de la bienheureuse Germaine. Pibrac est un petit village de France, de 200 feux environ, à 8 ou 10 kilomètres de la ville de Toulouse. C'était anciennement une seigneurie ou comté appartenant à la noble famille Dufour, et l'on y voit encore les ruines du château fort qu'elle y possédait. Situé sur le penchant d'une colline qui s'élève en pente douce, pendant que d'autres collines peu élevées lui font comme une ceinture, ce village n'est certainement pas remarquable par la variété élégante et la magnificence de ses édifices. Les maisons de Pibrac sont pour la plupart humbles et pauvres comme leurs habitants qui passent leur vie à faire paître leurs troupeaux et à cultiver leurs champs d'une assez grande fertilité. Mais le titre de gloire et le mérite de leurs aïeux et de s'être toujours maintenus fermes et constants dans la foi catholique, quoique l'hérésie se soit montrée à diverses époques dans les lieux circonvoisins. C'est dans les environs, à 1500 mètres de Pibrac, dans une échétive cabane isolée au milieu de la campagne, que, vers l'an 1579, naquit la bienheureuse Germaine Cousin. Dieu l'avait choisie de toute éternité pour être l'ornement, la gloire et de plus la richesse de ce pays, qui lui doit d'avoir pris de nos jours une grande importance et d'avoir vu sa condition première bien améliorée par le concours pieux des pèlerins qui, dans tous les temps de l'année, s'y rendent pour demander des grâces et offrir leurs vœux à la sainte bergère. Les parents de Germaine, selon ce que nous en a transmis la tradition, furent Laurent Cousin et Marie Laroche, tous deux de condition pauvre et dépourvus des avantages du monde, mais demeurent purs et d'une piété exemplaire. Nous ne savons rien de la première éducation donnée à l'enfance de Germaine, mais, à en juger par les résultats, nous pouvons bien dire qu'elle fut élevée avec soin et intelligence. Il est en effet avéré qu'au sortir de cette première enfance, on la vit parfaitement instruite des mystères de la foi et de tout ce qu'un bon chrétien doit savoir et pratiquer. Les paroles et les exemples de sa mère n'eussent pas manqué de l'encourager et de l'aider puissamment dans cette voie, si elle avait pu en jouir plus longtemps. Mais Marie Laroche mourut prématurément, laissant dans un âge encore très tendre l'unique enfant qu'elle avait eu de Laurent, son mari. Il en résulta que depuis ce moment, la culture de l'intérieur de Germaine fut bien moins due aux efforts des moyens humains qu'aux enseignements de l'Esprit-Saint qui, se complaisant dans cette âme innocente, la prépara en la formant de longues mains à ce sublime degré de perfection dont la suite il la fit arriver par des progrès successifs. Sans cela, il serait impossible de comprendre comment, en un âge si peu avancé, elle aurait pu résister aux épreuves si nombreuses et si rudes qui, par la permission de Dieu, vinrent assaillir sa vertu et au milieu desquelles non seulement elle demeura ferme et constante, mais encore elle parvint à la plus haute perfection, au point de regarder et de recevoir comme bénéfice et honneur tout ce qui chaque jour s'offrait à elle de souffrance et de tribulation.